Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de ce 18 mai dont voici la charpente. Une grenade qui a explosé dans la nuit de ce mercredi a emporté les vies de 3 personnes et a blessé 3 autres. C'était dans le quartier Gikoto de la zone Moussaga en mairie de Bujumbura. Les auteurs de ce forfait ne sont pas encore identifiés. Tassien Sibomana, opposant politique, dénonce certains points contenus dans le projet de loi sur le code de procédure pénale, comme la non-exigence du mandat de perquisition et la perquisition de nuit. Pour lui, cela présenterait des inconvénients pour certains Burundais. Le porte-parole de la police indique que le montant de 100 000 francs qui est exigé pour l'acquisition du permis de conduire biométrique n'est pas contradictoire avec ce qui est dans le budget 2017. Vous l'entendrez dans ce journal. Et à Bururi, on va parler du flétrissement bactérien qui continue à attaquer les bananes. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage indique qu'il y a une réticence à l'endroit des agriculteurs pour continuer à planter les bananes. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui vous est présenté par Ali Dandaïkeza. Jean de Dundaïsenga assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore et commençons ce journal par la page sécurité. 3 personnes ont été tuées, 3 autres blessées lors d'une attaque à grenade. Cela a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Gikoto de la zone urbaine de Moussaga, au sud de la capitale Bujumbura. Un jeune homme, fils du chef de quartier, figure parmi ceux qui ont été tués. Le quartier a été bouclé par des militaires qui ont procédé à des arrestations. Les auteurs de l'attaque restent inconnus jusqu'ici. Placide Niomongere a été sur les lieux. Voici son reportage. Cette grenade a été lancée vers 20h40 de ce mercredi. L'auteur viserait le jeune qui venait de l'une des stations de la zone Moussaga, mairie de Bujumbura, comme a témoigné un des habitants de la localité, qui ajoute que l'auteur aurait suivi leur mouvement jusqu'à la destination dans une famille où ces jeunes allaient visiter leurs camarades comme à l'accoutumée. Ces habitants qui témoignent et s'inquiètent que l'auteur serait placé dans un enclos situé tout près du lieu du drame et le propriétaire de cet enclos a été vite arrêté. 3 jeunes célibataires alors sont morts sur le champ, dont le fils du chef du quartier Gikoto, connu sous le nom d'Odifax, tandis que 3 autres membres de la famille visitée, dont 2 filles et leur mère, ont été grièvement blessés par cette grenade. Dans l'avant-midi de ce mercredi, certaines portes des maisons de la localité étaient fermées et on pouvait également noter une présence massive des militaires et que certains procédaient à des arrestations, comme nous en avons assisté à 6. La population de Gikoto demande que la sécurité soit garantie et qu'ils soient alimentés également en électricité et surtout la nuit, car l'auteur aurait profité de l'obscurité pour commettre ce drame. Merci Placide. Les 3 personnes qui sont mortes dans l'attaque à la grenade de ce mercredi soir à Gikoto sont tous des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir. La police qui donne cette précision indique qu'elle a déjà commencé des enquêtes et qu'il y a eu en même temps des arrestations. On écoute Pierre Nguriquier, il est porte-parole de la police. Hier, c'était vers 20h, lorsque dans la zone de Moussaga, c'est dans le quartier Gikoto, il y a une grenade qui a été lancée par un criminel non encore identifié dans un ménage qui a emporté la vie de 3 jeunes gens, Kwizera Cédric, Daïze Odifax et Harima Narigan, qui sont morts sur le champ. 3 autres ont été blessés, dont une mère et son enfant et un homme. Les blessés ont été directement évacués vers l'hôpital. L'enquête a directement commencé et la nuit même, il y a eu arrestation de 4 suspects et un autre vient d'être appréhendé ce matin en Rwanda. Là-bas même, il y a eu des activités de fouilles qui ont abouti à l'arrestation de 30 irréguliers. Et maintenant, la police est en train d'opérer une identification de ces derniers. Jusqu'à maintenant, on ignore encore le mobile de cet assassinat, cet acte ignoble. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les 3 jeunes gens qui ont été tués appartiendraient aux Imbonerakure du parti au pouvoir. Daïze Odifax, lui, serait même le chef de ces derniers dans cette localité. C'est tout ce qu'on peut dire, sinon le mobile de cet assassinat n'est pas encore précisé, d'autant plus que l'auteur n'est pas encore appréhendé. Isanganiro. Continuons avec la page justice. Le ministère de la Justice constate qu'il y a des magistrats, des greffiers, des justiciables qui s'adonnent aux pratiques de corruption ces derniers jours. Le directeur de l'organisation judiciaire dit qu'une vingtaine de magistrats impliqués dans ce genre de dossier sont déjà incarcérés. Nestor Cayovera indique qu'il y aura d'autres qui seront bientôt révoqués définitivement de leurs fonctions. Il leur demande d'en découdre avec cette mauvaise pratique. Suivez-le, c'était au cours d'une conférence de presse de ce jeudi. Actuellement, nous avons 13 magistrats supérieurs qui ont subi de telles sanctions. Nous en avons d'autres 10 détenus de résidence qui ont aussi eu des sanctions, des disciplinaires professionnels. Nous avons aussi des agents de judiciaire, mais aussi nous avons d'autres qui sont en détention préventive. Les enquêtes continuent. Et pour ne pas reculer dans l'amélioration des bons services octroyés à la population, nous voudrions formuler encore une fois une mise en garde à l'égard du comportement indigne qu'affichent certains magistrats et agents de judiciaire, ainsi qu'à certains chômeurs qui tombent en piège de certains bandits qui leur promettent de l'impossible. Certains magistrats des juges supérieurs, parquets généraux, parquets de la République, ceux des tribunaux de résidence et agents de judiciaire, peu soit-il, croupissent actuellement dans les maisons de détention pour actes de corruption et infractions connexes. D'autres sont en liberté provisoire, mais leur carrière a été suspendue. Nous devons dire que la carrière de ces magistrats et agents de judiciaire est en danger, ce qui cause des conséquences très néfastes, non seulement à leur égard, mais aussi à l'égard de leur famille. La loi portant statut de magistrat et celle portant statut des agents de judiciaire prévoit qu'à dater de leur arrestation, les magistrats et les agents de judiciaire sont mis en suspension de fonction par mesure d'ordre et leurs traitements, primes et indemnités sont suspendus jusqu'à la décision définitive de leur dossier judiciaire. Tatien Siboma, un opposant politique, trouve que le nouveau projet de loi portant révision du code de procédure pénale n'avantage en rien le Burundi et les Burundais. Pour lui, un tel projet, s'il advenait qu'il soit promulgué, ouvrirait la voie à toute forme d'abus. C'est au moment où le dit projet de loi prévoit la non-exigence du mandat de perquisition et autorise en même temps la perquisition de nuit. Tatien Siboma appelle le gouvernement et les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, à se ressaisir et à ne pas voter ce projet qui, selon lui encore, frappe une partie de Burundais plus que d'autres. Suivez Tatien Sibomana. Si jamais toutes les autorités devant lesquelles ce projet devra être analysé ne mesurent pas la gravité de cette tentative de révision, l'insécurité va aller grandissante et les abus de toutes sortes sont désormais autorisés. De toute façon, celui qui n'est pas un allié de la police, un allié de l'administration, il va subir les supplices qu'il lui faudrait d'ailleurs. Il y a plus grave une autre circonstance atténuante. C'est le manque de courant. Maintenant où presque trois quarts des villes sont dans le noir pendant la nuit et que personne ne va exiger le mandat de perquisition pour savoir si c'est un policier qui est qualifié pour perquisitionner ou pas. Écoutez, les vols dont je parle, les viols, les enlèvements des personnes qui s'effectuaient même pendant le jour. Qu'est-ce qu'il va advenir pendant ces nuits noires que nous vivons, le grand de notre temps aujourd'hui? Un appel peut-être, ce n'est pas encore une loi. Ce n'est pas encore une loi. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se ressaisir? Parce qu'on s'est laissé dire qu'il y a d'autres aspects qu'ils vont continuer à analyser et j'en appelle à leur responsabilité. Parce qu'ils peuvent se croire que demain, les abus seront commis au détriment des autres, mais après demain, ça sera leur tour. Et je suis désolé, même aujourd'hui, il y a des parentés, il y a des amis qui vont être victimes de cette révision du code de procédure pénale. Donc, l'appel à la responsabilisation est fait à l'endroit de ces membres du gouvernement. Plus encore, j'en appelle à la vigilance, à la responsabilité des deux chambres du Parlement. Cette tentative de révision, une fois consacrée, et bien qu'ils sachent bien qu'ils auront livré leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs amis à la pâture et à l'injustice et aux abus de tout acabit. Le ministère de la Justice fait savoir qu'il ne peut pas s'exprimer sur ce projet de loi. Le directeur de l'organisation judiciaire, Nestor Cayovera, dit que le porte-parole du gouvernement a clairement exposé sur ce qui a motivé l'élaboration de ce projet de loi. Tout de suite, on va continuer avec la politique. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le député Terence Manirambona dément ce qui a été dit par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, comme quoi il serait derrière l'encadrement d'un groupe de malfaiteurs arrêtés à Gitega. Ce député indique qu'il a toujours plaidé pour deux d'entre eux et que les autres, ils ne les connaissent pas et demande que les responsabilités soient établies. Suivez le député Terence Manirambona. J'ai été surpris d'entendre sur les ondes des médias que j'encadre un groupe de criminels. Deux personnes qui avaient été arrêtées puis relaxées par la justice. Je savais bien que ce sont des militants de notre coalition. La justice avait blanchi ces deux individus. Leur arrestation, encore une fois, a fait qu'ils deviennent pour peu. Je puisse savoir réellement les mobiles de leur arrestation. De dire du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, j'ai entendu que c'est moi qui encadre un groupe de malfaiteurs. Sauf les deux personnes que je plaidais pour leur libération, les autres personnes arrêtées, je n'ai aucun lien avec eux. J'ai toujours fait ma politique en toute transparence et cela devient qu'il y ait une autre question par rapport à la sécurité, par rapport à l'administration. Je me suis toujours dirigé vers l'autorité et compétente pour demander des acquisitions. Pour dire qu'alors, de travail de mèche avec un bande de criminels, c'est faux, c'est même archi faux. S'il y a un lien entre les deux personnes, avec l'autre groupe qui a été appréhendé, un groupe de criminels, faut pas alors endosser cette responsabilité avec moi, et non pas alors essayer de me coller à un groupe de criminels que je ne connais pas. Le montant de 100 000 francs burundais payé pour avoir exigé pour avoir le permis de conduire biométrique ne diffère pas du montant figurant dans la loi budgétaire 2017, comme certains le pensent. Les explications sont du porte-parole de la police qui précise qu'une partie va au trésor public, tandis qu'une autre est encaissée par la société Global Contech en vertu d'une convention signée. Il a souligné ce mercredi lors d'une conférence de presse. Suivez le porte-parole de la police. Pour avoir le nouveau permis de conduire biométrique, une somme de 100 000 francs burundais est exigée à chaque demandeur. La totalité de la somme est virée sur le compte à l'agence de la banque au bout qui se trouve là où on délivre ces permis. Même après, la moitié de cette somme va dans le trésor du pays et la moitié va dans les poches de la société Global Contech qui fabrique ces permis de conduire en vertu d'une convention qui lie cette société au ministère de la Sécurité publique qu'on appelle communément convention BOOT. Il a aussi dit que dans la loi des finances de cette année qui a été votée par le Parlement et qu'on avait voté seulement 50 000 francs et que donc il est injuste que déjà se voit obligé de payer 100 000 francs burundais. Eh bien, la loi des finances n'a parlé que de 50 000 francs parce que ce sont les 50 000 francs qui vont dans le trésor du pays. Sinon, les 50 000 francs qui restent vont dans les caisses d'une société privée. Et donc, le Parlement ne pouvait pas voter une somme d'argent qui ne va pas aller dans les poches de l'État. Il a dit aussi que le compte sur lequel est virée cette somme n'est pas de l'OBR. Eh bien, quand le demandeur paie 100 000 francs burundais, il y a une partie qui n'est pas de l'État. Et donc, on ne pouvait pas virer une somme qui n'est pas en totalité de l'État sur un compte de l'État. C'est pourquoi on a jugé bon de mettre cette somme d'argent dans une banque qui n'est pas totalement de l'État, qui est Bankob. Et tout ce qui a rapport avec cet argent, c'est bel et bien réglé par une ordonnance conjointe qui a été bel et bien signée par le ministre de la Sécurité publique et le ministre des Finances. Et l'OBR dont parle cet activiste, il émane du ministère des Finances. Et donc, l'argent finit par aller dans les poches de l'État. C'était Pierre Nguriquier, le porte-parole de la police. Continuons ce journal en nous rendant à Bururi, où le frétissement bactérien est toujours signalé dans certains coins de la province de Bururi, 3 ans après qu'il ait combattu. Bernard Habonimana, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province, dit que certains agriculteurs hésitent encore à y adhérer et demandent à l'administration de s'y impliquer davantage. Jean-Pierre Misago. Les zones de Gassanda en commune Bururi et Gitsiro en commune Zanda sont les plus menacées par le flétrissement bactérien, comme l'indique Bernard Habonimana, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bururi. Mais des cas isolés ont été répertoriés dans d'autres coins de cette province, comme au chef-lieu, où un château bananier attaqué vient d'être détruit. Bernard Habonimana fait savoir que l'arrachement du plan attaqué puis l'enfouir sur place et attendre jusqu'à 6 mois pour une replantation contribuerait à éradiquer cette maladie. Malheureusement, regrette le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, certains agriculteurs disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour ce combat qui dure bientôt 3 ans, ce qui fait que cette maladie y soit encore rapportée. Les plants contaminés et qui ne sont pas détruits servant de propagation de cette maladie. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bururi demande à l'administration locale de faire ce combat le sien et aller jusqu'à prendre des mesures contraignantes aux récalcitrants. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Terminons ce journal par des nouvelles en international. En RDC, deux frères Moïse Katumbi et Raphaël Katebe Katoto sont opposés par rapport à un éventuel accord avec le pouvoir. Au Mali, les médias dénoncent les exactions commises en application de la charia dans certaines localités. En France, le nouveau gouvernement divise la droite et déçoit la gauche. Les détails avec Alain Désiré Okeneza. La France a un nouveau gouvernement depuis son mercredi. Comme le poursuit le site de la RFI, des personnalités de droite, de gauche, des libéraux, des membres de la société civile. Le panel iconoclaste ne manque pas de susciter des remous dans la classe politique du pays. Sans surprise, les macronistes se sont réjouis de ce gouvernement rassemblant des personnalités issues de toutes sensibilités. Mais d'autres partis comme celui de Marine Le Pen, candidate déçue du second tour de l'élection présidentielle, ont déjà largement fait preuve de leur incompétence par le passé. Au Mali, les médias dénoncent les cas d'application de la loi islamique dans certaines localités du pays. Le site d'information à Bamako a révélé mercredi des exactions commises sur les populations de Diafaré par des hommes armés. Ils ont aussi interdit la vente des cigarettes, même des rencontres de football sont interdites au nom de la charia. Selon le site de la BBC, un homme et une femme ont été lapidés mardi dans la région de Kidal par des islamistes. Il leur était reproché de vivre en concubinage en violation de la loi musulmane. C'est la première fois depuis 2012 que des faits similaires sont signalés au Mali. En mars-avril 2012, le nord du Mali était tombé sous le contrôle de groupes combattants liés à Al-Qaïda. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est radicalement opposé à tout accord avec le pouvoir, tandis que son frère, Raphaël Katete Katoto, est prêt à négocier. Le dialogue est donc rompu entre les deux frères. Depuis son exil, évoquant la dictature illégitime du président Joseph Kabila, l'opposant congolais appelle ses compatriotes à la résistance. Comme nous le lisons dans Jeune Afrique, ce qui est surprenant, c'est que la récente déclaration de sa détermination a été dévouée jusque dans sa propre famille. Ces dernières semaines, son frère aîné, Raphaël Katete Katoto, joue ouvertement la carte de l'apaisement avec le chef de l'État. Merci Alain Désiré Wukeyeneze. C'est par ici que se clôture ce journal, mais un petit rappel des titres. Une grenade qui a explosé dans la nuit de ce mercredi a emporté les vies de 3 personnes et a blessé 3 autres. C'était dans le quartier Gikoto de la zone Moussaga, en mairie de Bujumbura. Les auteurs de ce forfait ne sont pas encore identifiés. Tassien Sibomana, opposant politique, dénonce certains points contenus dans le projet de loi sous le code de procédure pénale, comme la non-exigence du mandat de perquisition et la perquisition de nuit. Pour lui, cela présenterait des inconvénients pour certains Burundais. Le porte-parole de la police indique que le montant de 100 000 francs qui est payé pour l'acquisition du permis de conduire biométrique n'est pas contradictoire avec ce qui est dans le budget 2017, car une partie va dans le trésor public et une autre partie va à la société qui va confectionner ses permis. À Bururi, le frétissement bactérien qui continue à attaquer les bananiers et le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage indique qu'il y a une réticence à l'endroit des agriculteurs pour continuer à planter les bananiers. Et c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean-Dieu Ndaïsenga pour sa mise en onde. Au micro, vous étiez avec Ali Dandaïkeza. Bon après-midi à tous.